de recevoir aujourd'hui Frédéric Bourg, qui a accepté notre invitation, et qui, donc, je présente rapidement, hein, Frédéric est anthropologue au laboratoire d'anthropologie sociale, au Collège de France, et il nous a proposé une intervention qui traite de ses derniers travaux, qui tourne autour de la question du statut anthropologique de la grippe. Travaux que tu mènes, je crois, depuis maintenant 3 ou 4 ans. Un peu plus, même, oui. 2007, oui. Ah oui, donc bien plus que ça, en fait, c'est depuis 7 ans. Comme c'est de coutume ici, quand un anthropologue vient parler, on a décidé de donner à une philosophe aujourd'hui le devoir ou la tâche de lui répondre. Et c'est Karine Prévost, qui est doctorante en philosophie de la biologie ici à Nanterre, sous la direction de Thierry Hoquet, qui donc ouvrira la discussion après l'intervention de Frédéric. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole tout de suite. Merci Camille. Je suis vraiment très heureux de parler dans ce séminaire parce que c'est vraiment l'espace dans lequel mes travaux peuvent complètement s'exprimer puisque c'est des travaux qui s'inscrivent dans une recherche d'abord philosophique que j'ai faite sur l'histoire des sciences sociales et qui maintenant s'ouvre sur des terrains un peu bizarres, un peu nouveaux. Et qui participe d'une façon un peu biaisée à ce qu'on appelle le tournant ontologique, ne serait-ce que parce que je travaille dans le laboratoire de Philippe Descola qui a quand même lancé ce thème en France. Je suis sur des problématiques proches de celles de Bruno Latour avec les microbes et les questions de catastrophes écologiques. Donc ça m'a vraiment donné l'occasion de faire le point sur l'ensemble de mes hypothèses. Et alors j'ai d'abord pensé vous présenter l'exposé que j'avais rédigé pour le colloque de Cerisy, dont ce séminaire est un peu la suite, sur les frontières d'espèces comme problème métaphysique, et puis c'était quand même adressé à un autre public. Donc là j'ai pris vraiment le thème pratique et ontologie comme point d'accroche, et comme j'aime bien les dualismes, ça me donne un bon équilibre entre présenter un travail de recherche collectif sur l'anthropologie de la biosécurité et expliquer pourquoi par mes recherches philosophiques, par la participation au tournant ontologique, je l'infléchis vers une question qui m'est propre, qui est celle des sentinelles. Donc j'ai donné ce titre, Anthropologie de la biosécurité, philosophie des sentinelles. Du coup, la question que je vais prendre d'emblée pour commencer, c'est en quoi le tournant ontologique, puisque c'est ce qui anime un peu la discipline aujourd'hui. Il y a eu donc ce colloque à Cerisy, il y a eu des panels au congrès de l'Association américaine d'anthropologie autour de Philippe Descola et Bruno Latour qui ont suscité le buzz, comme on dit. Il y a un appel à contribution, je profite de l'occasion pour en faire la publicité, de la revue d'ethnologie suisse Sansa sur le tournant ontologique en sciences sociales, dont je suis un des organisateurs. Bon, donc ce tournant ontologique, le séminaire en atteste, traverse la discipline, suscite de nouvelles questions, des réticences, mais aussi des positions différentes. En quoi ce tournant ontologique infléchit-il le programme d'une anthropologie de la biosécurité ? Et donc en quoi est-ce que les questions philosophiques qu'il permet de poser sortent du cadre d'une anthropologie du contemporain dans lequel j'ai été formé, puisque sans rentrer dans des détails biographiques, j'ai d'abord étudié l'anthropologie avec Paul Rabineau à Berkeley, avant en quelque sorte de revenir à la philosophie avec ma thèse sur les Lévi-Strauss, mes travaux sur Lévi-Strauss. Et donc dans le programme d'anthropologie de la biosécurité qu'il a lancé, j'ai forcément une position qui vient de ces débats sur l'ontologie. Alors la question m'a immédiatement été suscitée, posée par un texte posté par Lyle Fernley sur le site du laboratoire de Paul Rabineau qui s'appelle ARC, Anthropological Researches on the Contemporary, où il répond au texte de Gilda Salmon qu'il a présenté à Cerisy d'abord et ici ensuite, sur la délégation ontologique comme réponse aux défis postmodernes en anthropologie. Je vous enverrai le lien de ce blog, parce que Lyle Fernley est quelqu'un avec qui je travaille depuis pas mal de temps, qui étudie exactement les mêmes choses que moi, c'est-à-dire la grippe aviaire en Chine. Lui, il est plutôt côté Chine intérieure et moi côté Hong Kong, frontière de la Chine. qui fait qu'il a beaucoup plus de compétences que moi sur le chinois, mais on a un peu les mêmes outils théoriques. Et donc il a lu le texte de Gildas et il y a répondu dans ce blog. Et alors dans ce texte, il oppose les ontologistes et les anthropologues du contemporain comme deux méthodes d'enquête construites sur les ruines du relativisme culturel, puisque un des points d'accord pour ce Simaniar, j'imagine, c'est que le tournant ontologique, c'est une façon de reposer les questions fondamentales de l'anthropologie une fois qu'on a renoncé au concept de culture, étant donc acquis que l'ontologie n'est pas la culture. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Gilda y répond assez habilement en disant que c'est un mécanisme de délégation où ce n'est plus l'anthropologue qui fait parler les non-humains, mais c'est aux non-humains eux-mêmes à parler, à agir dans les dispositifs étudiés par les anthropologues. Donc, mécanisme de délégation que Gilda suit dans la sociologie des sciences de Latour, mais aussi la sociologie pragmatique de Boltanski, et dont il montre que le dispositif mis en place par Descola est une conséquence. Donc j'adhère totalement à ce texte, et donc la réponse de Leinfernay m'avait intéressé, puisqu'il refuse de prendre le tournant ontologique, hein, et il reste dans une anthropologie du contemporain. Alors, qu'est-ce qui oppose donc les ontologistes et les anthropologues du contemporain ? Selon Leinfernay, les ontologistes classent et typifient les ontologies, les multiples ontologies, alors que l'anthropologie du contemporain enregistre l'émergence de nouvelles ontologies. Et donc, selon lui, la première maintient des formes d'enquête du XIXe siècle, alors que la seconde transforme l'enquête en rapport avec des nouveaux objets. Donc son texte se conclut en disant est-ce que le tournant ontologique va nous ramener vers le XIXe siècle ou nous tourner enfin vers le contemporain, objet vers lequel les anthropologues, depuis la crise dite postmoderne des années 70-80, ne cessent d'aspirer. Alors, donc face à une telle question, provocation, je suis un peu embêté parce que jusque-là, j'évitais de choisir entre ces deux écoles et j'essayais plutôt de les mêler, de les hybrider, pour prendre un terme aussi de ce courant. Et pourtant, mon travail sur Lévi-Bruhl et Lévi-Strauss m'a conduit à assumer que le tournant ontologique nous conduit à retourner au XIXe siècle. Peut-être d'ailleurs en revenant au sens premier de métaphysique, dont je crois qu'il est constitutif de l'essor des sciences sociales. Et je voudrais donc expliquer pourquoi dans cette présentation de mon travail. Alors, je vais donc, dans un premier temps, présenter cette anthropologie de la biosécurité comme un programme collectif. Et puis ensuite, je montrerai en quoi je l'infléchis dans une direction qu'on peut qualifier de ontologique. Alors, l'anthropologie de la biosécurité vise à saisir une norme qui émerge dans les années 90 au niveau global et qui transforme nos rapports au vivant. Au vivant, c'est-à-dire à la nature, à l'alimentation, aux animaux. Et dans la présentation que tu faisais du séminaire que j'ai pu entendre sur Internet, tu disais que mon intervention permettait de relayer un peu les interrogations que vous avez eues la dernière fois avec Sophie Houdard sur la place des non-humains dans cette anthropologie des sciences. Et effectivement, bon, j'ai commencé par des recherches sur la sécurité alimentaire, et puis ça s'est réorganisé autour de ce thème de la biosécurité. Donc la biosécurité, c'est l'anticipation d'événements catastrophiques qui se produisent dans les lieux où du vivant circule, disons, plus intensément que d'autres. Et donc ces lieux, ce qui est fascinant dans l'objet biosécurité, c'est de voir leur diversité et leurs analogies. Ces lieux, c'est des laboratoires où on imagine la sortie accidentelle ou intentionnelle de pathogènes. Alors le modèle par excellence, c'est la variole, puisque depuis 1978, la variole a été éradiquée de la population humaine. c'est un des rares pathogènes qui ne circule que chez les hommes et qui ne passe pas des animaux aux humains, ce qui a permis de l'éradiquer en quelque sorte définitivement. Et donc, il y a deux laboratoires dans le monde où on a conservé le virus de la variole, et en Russie et aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si ce virus sortait du laboratoire, puisque la population humaine n'a plus d'immunité face à ce virus. Donc, ce serait une épidémie catastrophique, analogue à celles qui ont eu lieu quand, par exemple, les conquérants d'Europe sont arrivés dans le Nouveau Monde. C'est le modèle par excellence de l'épidémie catastrophique, historiquement. Donc ça peut être une sortie accidentelle ou intentionnelle si, par exemple, un terroriste dans sa grotte ressortait ou fabriquait le virus de la variole. Tout un ensemble de débats sur dual use, c'est-à-dire que quand on travaille sur un pathogène, maintenant il faut penser à son possible usage par des terroristes. Bon, ça c'est tout un débat sur la biosécurité dans les laboratoires. Mais il y a aussi des normes de biosécurité aux frontières, donc contrôle des frontières, et c'est tout le thème des espèces invasives, qui est plus particulièrement développé en Angleterre et en Australie, pour des raisons liées à l'histoire de ces pays, hein, l'Angleterre craignant l'arrivée d'animaux malades du continent, et l'Australie ayant souffert de l'importation d'espèces européennes qui ont ravagé l'environnement du pays, utilisant ensuite la myxomatose pour tuer les lapins importés et qui ont explosé en Australie. Bon, donc là, par exemple, il y a un livre assez récent qui s'appelle Biosecurity, je crois, par Dobson et d'autres, qui ne porte que sur Australie-Angleterre et vraiment sur espèces invasives et contrôle des maladies infectieuses. Et puis le troisième espace, c'est celui des marchés, des fermes, mais aussi des maisons, des intérieurs des maisons, où là on contrôle des pathogènes qui viennent des animaux avec lesquels les hommes sont en contact, et du fait des transformations de ces relations avec les animaux, et bien ces pathogènes sont devenus plus virulents. En Europe, l'exemple le plus frappant, c'est l'encéphalopathie spongiforme bovine ou vache folle, qui, du fait de la baisse de température, de réchauffement de la viande bovine, a conduit à transmettre un pathogène, le prion, qui circulait jusque-là à bas bruit, qu'on observait chez les moutons, mais qui n'avait jamais connu un tel développement. Donc qui s'est ensuite transmis aux humains, qui produit des dégénérescences nerveuses. Il y a le cas ensuite global de la grippe aviaire, où on redoute la transmission entre les hommes d'un virus qui est passé des oiseaux aux humains à Hong Kong en 97, qui ensuite s'est répandu en Asie et dans le reste du monde. Il y a aussi le cas très important. Salut. De la dengue, des E-N-G-U-E, qui en fait est une maladie répandue en Asie depuis assez longtemps, mais qui a explosé en Amérique du Sud, au Brésil, en Amérique centrale depuis une dizaine d'années, du fait de déplacement des moustiques Anopheles aegypti suite au réchauffement climatique. Là-dessus, si ça vous intéresse, dans mon séminaire qui porte sur les relations hommes animaux, demain, Alex Nading, qui est un anthropologue américain, va présenter son travail, qui est tout à fait admirable, sur comment les sandinistes du Nicaragua ont été reconvertis en brigadistes contrôlant les maisons pour voir tous les espaces où ces petits moustiques se développent dans des zones d'eau et donc rendant visible l'intérieur des maisons et les relations aux gens avec l'eau, avec les moustiques. Bon, donc c'est vraiment des thèmes sur lesquels il y a beaucoup d'objets de recherche possibles. Mais disons, d'un point de vue théorique, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce contrôle d'une intensification du vivant produisant des pathologies se produit dans plusieurs espaces qu'on tenait jusque-là pour séparer, hein, laboratoire, frontière, et puis les intérieurs où des animaux sont concentrés. Et ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir comment ce mot d'ordre de la biosécurité a recomposé un ensemble de préoccupations. Donc il faudrait distinguer la norme qui est codifiée, qui fait l'objet de procédures légales et éthiques, et puis des préoccupations dans la population, et qui sont diverses selon les régions où ça se produit, hein. En Amérique du Nord, c'est la préoccupation pour le bioterrorisme depuis les attaques du 11 septembre. En Europe, c'est plutôt les préoccupations pour la sécurité alimentaire depuis la vache folle. En Asie, c'est plutôt des préoccupations pour, disons, les questions écologiques, la transformation de l'environnement par l'explosion démographique, à la fois des hommes et des animaux, hein. Et puis on pourrait même dire en Amérique du Sud, si on suit le travail d'Alex Neding, les recompositions du rapport entre Amérique du Sud et Amérique du Nord du fait de ces nouveaux impératifs de contrôle sanitaire. Patrick Zilberman, dans un livre intitulé « Tempête microbienne », dont j'ai fait une recension dans la vie des idées, montre assez bien comment ces normes circulent d'Amérique du Nord en Europe, en Asie, dans une approche historique. Donc voilà, un ensemble de préoccupations de la part de la population, un ensemble de lieux qui vont être connectés par une nouvelle norme. Alors, pourquoi est-ce que c'est une norme? D'abord parce que c'est un ensemble de pratiques, et là je reprends les termes du séminaire, un ensemble de pratiques effectuées dans ces différents lieux. Alors, la première pratique dans la biosécurité, c'est l'éradication ou l'abattage. Donc vieux rêve, on peut dire pasteurien, enfin rêve de la médecine moderne, qu'à partir du moment où on connaît un pathogène, on va pouvoir l'isoler d'une population. Et donc, par exemple, on va abattre des animaux malades, ou on va abattre des espèces invasives pour restaurer le caractère indemne ou intègre d'un territoire. Et donc ces pratiques dans des environnements ouverts, on peut en trouver l'équivalent dans l'espace analogue qu'est le laboratoire, hein, le laboratoire servant ici de modèle, ça c'est une hypothèse latourienne, hein, de microcosme pour comprendre ce qui va s'opérer en dehors du laboratoire, hein, un livre de Robert Kohler qui s'appelle comme ça « Labscapes and Landscapes ». L'équivalent de l'abattage ou de l'éradication dans l'espace ouvert, dans le laboratoire, c'est la destruction du matériel. Une des règles de biosécurité, c'est qu'après avoir fait une expérience sur un pathogène dangereux, vous détruisez, vous passez dans un autoclaveur le matériel que vous avez utilisé. Seconde pratique, je retrouve mes vieilles habitudes philosophiques de distinguer et de ça me fait du bien pour mettre en ordre. Seconde pratique, c'est la vaccination. Donc l'usage d'un pathogène atténué pour produire une immunité contre un pathogène redouté, vaccination à la fois des hommes et des animaux. Bon, alors sur la grippe aviaire, il y a tout un ensemble de débats sur peut-on vacciner ou pas, puisque on anticipe justement un pathogène qui ne s'est pas encore transmis des humains aux animaux. Il y a eu toute la controverse sur la vaccination sur le H1N1 quand on attendait de la grippe aviaire et ça a été de la grippe porcine du Mexique. Et donc là, on a pu produire du vaccin, mais les gens en voulaient plus. Bon, donc la vaccination, c'est vraiment... Et puis on vaccine les animaux contre des maladies qui se transmettent d'ailleurs pas forcément aux humains, mais qui permettent de garantir le statut indemne d'un territoire. C'est vraiment une préoccupation centrale. Et l'équivalent de la vaccination, donc en dehors du laboratoire, dans le laboratoire, ce serait la stérilisation. Il faut stériliser le matériel avant de l'utiliser. Troisième pratique, c'est le confinement, hein, c'est-à-dire mettre des barrières qui isolent, confinement des fermes. Dans des fermes de volailles en Asie, par exemple, on a des pédiluves pour les bottes. Il faut mettre les bottes dans un bassin d'eau pour éviter d'introduire dans une ferme des pathogènes. On va mettre des rotoluves pour les camions. Et puis quand des fermes un peu douteuses ou un peu trop traditionnelles font l'objet d'un contrôle pour la grippe aviaire, on va confiner le territoire autour de cette ferme. C'est ce que Vanessa Manseron a bien étudié pour le cas de la Dombe, où elle a pu observer de l'intérieur ce que ça faisait à des éleveurs de volailles de voir leur espace comme ça complètement reconfiguré. Confinement également des marchés, de volailles qui à Hong Kong ne sont pas directement rattachés au marché d'autres viandes, mais où il y a un espace, un sas intermédiaire. Hein. Même que quand on va dans un laboratoire, il y a un sas intermédiaire pour changer de chaussures, où vous avez des panneaux qui vous disent mettre des gants, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ben, quand vous entrez dans un marché de volailles à Hong Kong, il y a aussi ce sas intermédiaire. Et puis la quatrième pratique, la plus importante, la plus intéressante, c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est la surveillance des pathogènes circulant dans différents lieux, c'est-à-dire leur modélisation, le suivi de leur mutation, pour que quand un pathogène nouveau, très virulent émerge, on puisse immédiatement le rattacher aux pathogènes qui circulent à bas bruit. De façon aussi à anticiper le même type de pathogène. Alors vous avez une grosse controverse sur laquelle j'aurais pu parler assez longtemps, mais sur un laboratoire hollandais dont je suis les recherches, qui a modifié le virus H5N1, donc de grippe aviaire, pour qu'il devienne contagieux comme le H1N1 de grippe porcine. Donc un virus très virulent et très contagieux, donc purement en laboratoire. Alors ça suscite des tas de discussions en disant vous êtes fous de faire ça, imaginez qu'ils sortent, pendant 6 mois ils n'ont pas pu publier leurs recherches. Et leur réponse, c'est de dire nous faisons ça parce que ça nous permet de faire de la surveillance des virus qui émergent en Chine, puisqu'on va repérer 5 mutations, 5 nucléotides, on va pouvoir dire en fonction de tel ou tel nucléotide si le virus devient plus dangereux. Et donc si ces nucléotides apparaissent dans le sud de la Chine, on va pouvoir immédiatement faire de l'abattage, etc. Donc c'est des méthodes de cartographie et aussi de manipulation qui permettent d'anticiper des mutations du laboratoire encore en dehors du laboratoire, du labscape au landscape. Bon, pour autant, analyser des pratiques n'est pas suffisant. Je crois que c'est un des points de départ. Vous avez vu l'intervention de Bruno Latour au début de ce séminaire. Comme toujours, j'ai pas suivi tous les raffinements de son argument, mais effectivement, la notion de pratique est peut-être un peu lourde, et l'intérêt de la notion d'ontologie, c'est, alors que ça pourrait sembler planer dans le ciel, c'est de la raffiner, c'est de lui donner plus de portée empirique. Donc, on peut pas se contenter de voir toutes ces pratiques qui visent à restaurer des coupures, là où ce vivant trop intense produit des pathogènes. Il faut voir comment ces pratiques sont orientées par des représentations pour former justement une norme commune. Pour passer de la pratique à la norme, il faut des représentations. Il faut interroger la consistance interne de ces représentations pour justement interroger de façon critique cette norme de la biosécurité. Alors une question qui se pose beaucoup dans cette anthropologie de la biosécurité, c'est est-ce qu'il faut croire à la réalité de la menace contre laquelle on nous protège ? Est-ce que tout ça, ce serait une grande paranoïa des Américains suite aux attaques du 11 septembre qui redoutent le virus de grippe aviaire comme une espèce de bombe terroriste qui viendrait non plus d'Al-Qaïda, mais des méchants chinois fabriquant des bombes dans des fermes avec leurs milliers de volailles. Est-ce qu'au-delà du caractère fantasmatique de ces représentations, il y a une réalité est-ce que la pandémie de grippe aviaire va avoir lieu? Donc là, évidemment, cette question est mal posée. Et plutôt que de savoir s'il faut croire quelle la réalité de cette norme, il faut voir plutôt quelle réalité elle produit, quelle réalité émerge dans les pratiques de biosécurité. Ce qui permet justement un point de vue critique, en soulignant que ces réalités sont multiples et qu'elles retournent en quelque sorte le dispositif de biosécurité contre lui-même. Ça, c'est un vieux truc de la biopolitique depuis Foucault, de dire que, je reviendrai sur la biopolitique à la fin, mais lorsque la politique porte sur le vivant étant lui-même multiple, intense, on peut le retourner contre les dispositifs de pouvoir qui visent à le contrôler. Mais pour effectivement faire ce type de retournement, il faut saisir une norme, le type de réalité sur lequel elle repose, et donc la possibilité de retourner de l'intérieur ces réalités contre le dispositif qui vise à les, justement, à les encadrer comme réalité. Quand j'avais intitulé mon livre « Un monde grippé », j'avais un petit jeu de mots sur la notion de monde, alors bien sûr au sens anthropologie de la globalisation, etc., mais aussi au sens que Boltanski avait donné à cette notion dans son livre de la critique, où il distinguait la réalité et le monde, et en disant le monde grippé, c'est effectivement toute cette agrégation d'acteurs autour du thème de la biosécurité, essaye de définir une réalité qui serait cette vie sûre, cette vie dans les frontières entre humains et non-humains, et dire que c'est un monde grippé, c'est justement essayer de le décaler par rapport à la question de la réalité. Alors, donc, je reviens à la question, par quelle représentation sont orientées ces pratiques et quel type de réalité est-ce qu'elles produisent. Alors, en réponse à cette question, dans le programme d'anthropologie de la biosécurité, il y a eu deux voies, je dirais. Et là aussi, je reviens à des vieux trucs philosophiques. J'ai essayé de définir mon propre choix entre ces deux voies. Et ces deux voies, je les qualifierais d'hybridation ontologique et de technique de rationalité. Alors, l'hybridation ontologique, c'est une voie qui a été suivie en Angleterre, disons en Europe, par Anne-Marie Moll et John Law, qui ont vraiment lancé... alors, ils n'ont pas lancé le terme de la biosécurité, mais c'est ceux qui, dans les années, à la fin des années 90, ont travaillé sur la crise de la vache folle, la fièvre aphteuse, toutes ces mesures mises en place en Angleterre et aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont été aussi en pointe là-dessus, pour éradiquer ces maladies, contrôler le territoire... Et il mobilisait vraiment acteur network theory pour dire voilà, c'est des multiplicités et c'est les multiplicités contre le contrôle. Et puis aux États-Unis, l'école qui a un peu relayé, enfin développé cette approche, c'est ce qu'on appelle ethnographie multi-espèces. Donc un numéro de Cultural Anthropology de 2010 dirigé par Stéphane Emrach et Eben Kirksey. Stéphane Emrach travaillant sur les microbes de l'océan, Eben Kirksey travaillant plutôt sur les questions d'espèces invasives dans le Pacifique, Nouvelle-Guinée, et qui eux se rattachent à la notion de entanglement. Donc, difficile à traduire, mais c'est pas exactement l'attachement au sens de acteur network theory, c'est le mélange, mais c'est une notion qui circule dans les travaux sur la biosécurité. Donc, l'idée quand même commune à ces deux courants, c'est que les dispositifs de biosécurité révèlent des attachements entre humains et non-humains qui brouillent les frontières posées par la biosécurité. Et... pour vraiment focaliser et donner des exemples sur mes objets. Dans la perspective acteur-network-théorie européenne, ça a été beaucoup développé par Stephen Inchliff et Nick Bingham dans la notion de espace frontière ou borderland, biosecurity borderlands. Donc Stephen Inchliff, j'ai publié un article de lui dans les numéros des cahiers d'anthropologie sociale qu'on a édité sur les maladies animales, qui s'intitule « Vivre avec les oiseaux, frontières de la biosécurité en Angleterre ». Et il travaille aussi sur tous les lieux où il y a ces dispositifs de contrôle, mais il va introduire, comme un lieu un peu subversif, les réserves d'oiseaux, où des ornithologues vont faire des prélèvements sur des oiseaux sauvages pour voir s'ils ont des virus de grippe aviaire, et à l'occasion de ces prélèvements vont développer des relations de soins, d'attachement, d'attention. Donc c'est toute cette idée du care qui a été développée aussi par Anne-Marie Moll. J'y reviendrai, mais j'ai aussi travaillé sur le rôle des ornithologues dans ce dispositif, qui effectivement apparaîtrait, en fait, joue un rôle assez analogue à ce qu'a pu être, par exemple, les associations de lutte contre le sida dans les années 80, ou par rapport à un dispositif de contrôle, ceux qui étaient les plus concernés par la maladie s'appropriaient des savoirs et pouvaient faire apparaître des logiques différentes. Ce que Paul Rabineau a appelé à un moment la biosocialité, hein, où ceux qui sont concernés, les associations de patients, ceux qui sont les plus concernés par les maladies, font valoir des attachements ou des nouvelles identités, des nouvelles subjectivités. Alors, en l'occurrence, ça ne peut pas être des associations d'oiseaux, mais c'est des associations de protecteurs d'oiseaux. Bon, très bien, là-dessus, c'est vraiment une piste que j'ai beaucoup suivie, et je vous dirai tout à l'heure en quoi je l'ai développée. Et puis, alors, ça c'est pour l'aspect pour l'école européenne. Et puis du côté américain, dans cette ethnographie multi-espèces, il y a un article souvent cité de Celia Lowy, qui elle a travaillé en Indonésie. Donc qui s'intitule Viral Clouds Becoming H5N1 in Indonesia, publié donc dans le numéro de Cultural Anthropology de 2010, et elle a cette notion de nuage qui fait référence à tout un ensemble de débats sur clouds and crowds, non pas la panique des foules, mais des nuages, c'est-à-dire des collectifs qui se produisent en essaim, par dispersion, sans noyau central, mais avec des frontières floues. Et elle montre que la notion de nuage permet de décrire différents niveaux d'existence du virus H5N1 en Indonésie. Et là, je suis vraiment je la rejoins sur cette piste, c'est-à-dire à la fois le virus, c'est quoi ? C'est un nuage de propriétés génétiques qui, dans certaines conditions, par des mécanismes de loterie évolutionnaire, vont lui permettre de rentrer, enfin de passer d'une espèce à une autre. Le nuage, c'est aussi la propagation du virus dans des populations humaines, surtout en Indonésie, où il y a l'Indonésie est le seul pays où on a des clusters interhumains, c'est-à-dire où des gens qui ont attrapé le virus par contact avec les oiseaux sont ensuite visités par la famille dans des rituels funéraires, et des membres de la famille vont eux-mêmes porter le virus sans avoir été en contact avec des oiseaux. Alors, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ? Il y a tout un ensemble de débats sur les clusters de H5N1 en Indonésie, débat qu'il n'y a pas du tout à Hong Kong, puisqu'à Hong Kong et dans le reste de l'Asie, il n'y a pas eu justement de propagation interhumaine. L'Indonésie est le seul pays, un tiers des cas de H5N1 humains depuis 1997 ont eu lieu en Indonésie, hein, c'est-à-dire à peu près 100 sur 300. On a 500 cas d'infection répertoriés à l'OMS, et sur ces 500, il y a 300 morts et 100 en Indonésie. Ce qui fait que l'Indonésie, notamment dans les années 2006-2008, a été vraiment au cœur de la lutte contre la grippe aviaire. Ça s'est un peu déplacé depuis. Et puis, donc, dernier niveau de réalité, d'existence de ce nuage, c'est la forme même de l'Indonésie, qui est un archipel, ce qui fait que le contrôle de la maladie depuis Jakarta est impossible. Et donc, on est dans des logiques, là, post-coloniales, où la santé globale va être imposée par Jakarta, enfin, de Genève à Jakarta. Les gens de Jakarta vont eux-mêmes se retourner parfois contre Genève en réclamant des échanges de vaccins contre les échantillons de virus humains. Et puis, les gens de Jakarta n'ayant pas vraiment d'impact sur ce qui se passe dans les multiples îles où les gens ont des volailles qui circulent un peu partout. Donc, le nuage contre la forme centralisée de la santé, ce qu'on appelle la santé globale. Donc là, on a effectivement, dans cette idée de retourner les biopolitiques contre elles-mêmes, on a des concepts, borderlands ou nuages, cloud qui fonctionne bien parce qu'il donne consistance à cette idée d'une multiplicité interne de ce sur quoi porte la biosécurité. Alors pour autant, ces approches que je qualifierais de tardiennes parce que elle se situe un peu en horizontalité avec des devenirs, des multiplicités, dissolvent l'objet et échouent à saisir les coupures qui constituent le dispositif de biosécurité. Si les microbes, les animaux et les humains sont en mélange permanent, comment expliquer que des dispositifs de biosécurité existent visant à les séparer ? Même la notion de borderline, qui est une façon de donner consistance à la frontière, va davantage vers la multiplicité que dans la dissolution de la frontière que dans le repérage de la frontière. Et ce qui m'intéresse, enfin moi je suis plus proche d'une approche qui pose des frontières comme réelles pour voir leurs effets de réalité. Et donc en ce sens, pour le dire dans des termes très généraux, mais qui me rapprochent du structuralisme, disons, c'est qu'avant de poser des continuités, il faut, avant de voir les continuités, il faut poser des discontinuités. C'est seulement à partir des discontinuités qu'on verra comment se constituent des continuités. Alors ce programme, partir des discontinuités, est plutôt suivi dans un autre champ, qu'on pourrait dire anthropologie de la rationalité, et qui est celui justement développé par les étudiants de Paul Rabineau, hein, au sens où la rationalité, alors ça c'est toute l'anthropologie de la modernité de Rabineau, c'est-à-dire que la rationalité se définit à partir de seuils, le premier seuil étant la modernité comme séparation entre le savoir et le non-savoir. Dans la biosécurité, on va pouvoir analyser des techniques de rationalité. Donc non plus des hybridations ontologiques, mais des techniques de rationalité. Et je dirais que la discontinuité dont partent ces analyses, c'est la catastrophe, en un sens très général, qui est constitutive des dispositifs de biosécurité. Mais disons que l'opération qu'effectue ce courant, c'est au lieu de partir d'une catastrophe douteuse, disons l'émergence d'une pandémie de grippe aviaire depuis le sud de la Chine, qui est donc l'horizon brandi par un grand nombre d'acteurs de la biosécurité, plutôt formaliser la notion de catastrophe et la généraliser. Donc pour cela, il s'agit de voir que ces pratiques de biosécurité anticipent un avenir catastrophique par l'imagination. Donc comment est-ce que l'imagination conduit à représenter une catastrophe à venir d'une façon nouvelle ? Alors ce courant a été développé par Stephen Collier et Andrew Lakoff dans un livre collectif intitulé « Biosecurity Interventions ». La thèse qu'ils ont développée dans un ensemble d'articles, c'est que la biosécurité se distingue d'autres formes d'anticipation en ce qu'elle ne calcule pas des risques ou des probabilités, mais elle conduit justement à imaginer un avenir catastrophique dont la probabilité n'est pas connue. Disons, c'est, pour prendre leur terme, anticiper un événement dont la probabilité n'est pas connue, mais dont les conséquences sont catastrophiques. Et c'est effectivement ce qui est problématique dans la grippe aviaire, c'est que la transmission interhumaine du virus H5N1, il est impossible d'en calculer les probabilités sur la base des mutations actuelles, mais si elle a lieu, on aurait des effets catastrophiques du type grippe espagnole, 20 millions de morts, donc si on extrapole à la population humaine actuelle, 60 millions. Et alors ce qu'il remarque, c'est que ce type d'imagination, disons, est formellement analogue pour ces épidémies émergentes, pour un certain nombre de catastrophes naturelles du type cyclone, tremblement de terre, bon, c'est donc tous les débats qui ont eu lieu autour de Katrina aux États-Unis, mais qui en fait se répercutent dans le champ de l'humanitaire, et également pour des attentats de type terroriste où un type qui se fait exploser dans une rue, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, il faut l'imaginer, il faut se mettre dans la tête du terroriste, anticiper le cheminement qui conduit à poser sa bombe dans tel endroit ou dans tel autre, et donc s'y préparer. Donc c'est toute cette idée qu'on se prépare à un événement dont on ne calcule pas la probabilité. Donc le travail de Collier et Lakoff, qui est plutôt historique, consiste à montrer que ces techniques de préparation viennent en fait de la guerre froide et donc transfèrent l'anticipation de la catastrophe nucléaire à différents types de catastrophes après l'effondrement du bloc soviétique. Donc c'est tout le domaine du contingency planning ou all hazards management où on applique donc les mêmes techniques à différents types de catastrophes. Alors, dans leurs articles, Collier et Lakoff identifient, en formalisant un peu, trois types de techniques permettant de se préparer à ces catastrophes. Le premier, c'est la sentinelle, c'est-à-dire un système d'alerte précoce qui permet de repérer la catastrophe avant que ses effets catastrophiques se développent, et donc de limiter les effets. Non pas donc d'éviter l'événement, mais d'en limiter les effets. Alors, il y a ce type de dispositif pour les tremblements de terre ou pour le terrorisme, mais dans le domaine que j'ai le plus étudié, la grippe, il y a par exemple des dispositifs sur Internet où on va repérer l'augmentation de la consommation d'antiviraux dans les pharmacies. Donc avant que des médecins reportent des cas de grippe, on a déjà une remontée de signaux par les pharmaciens. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps, c'est ce qu'on appelle Google Flu Trend. Mais il y a aussi, j'ai plus étudié cet aspect, l'idée d'utiliser certaines populations comme des sentinelles, au sens où elles seraient exposées à des maladies avant les autres. Alors, dans le domaine du sida, c'est très important, parce que c'est très controversé, parce que c'est des populations migrantes ou des populations en contact avec de la viande de brousse, des singes. Bon, donc mes collègues qui travaillent en anthropologie médicale en Afrique se méfient un peu de ce type de notions. Moi, ce que j'ai étudié, c'est plutôt, par exemple, considérer des oiseaux ou des observateurs d'oiseaux comme des sentinelles pour rapporter des cas de maladies avant que ces cas apparaissent sur des humains. Donc ça, c'est la première notion, et puis dans le temps qui me restera, je la développerai. La deuxième, c'est la simulation, c'est-à-dire la construction de scénarios du pire cas, worst case scenario. Ça, c'est quelque chose qui était très important pour le nucléaire, la transformation de la dissuasion nucléaire à partir du moment où Herman Kahn dit il faut imaginer ce que serait le monde après la catastrophe nucléaire. Et par rapport à tous les débats sur la catastrophe nucléaire comme l'impossible, ça a beaucoup changé les choses. Et donc, le transfert de ces techniques sur la biosécurité a donné lieu à un ensemble d'exercices où on demande à des responsables de la santé publique d'imaginer en commun comment ils réagiraient, par exemple, à l'échappée d'un virus de variole d'un laboratoire ou l'usage par un terroriste de variole dans un aéroport. Donc c'est des noms un peu effrayants, Dark Winter, Atlantic Storm. Le livre de Patrick Zibronman porte essentiellement là-dessus, hein, et c'est des choses qui ont été beaucoup développées aux États-Unis, mais que j'ai pu voir aussi en Asie. Et puis la troisième technique, c'est le stockage. Alors là aussi, mon côté systématique est satisfait par le fait qu'il y a trois S. D'un point de vue mnémotechnique, c'est assez commode. Le stockage, c'est-à-dire la constitution de réserves de masques, d'antiviraux, de vaccins, qui permettent d'éviter la pénurie Là aussi, dans l'imagination de la catastrophe, on dit, mais comment on va faire si on a des foules qui se présentent aux hôpitaux en demandant des antiviraux, comment on va définir des publics prioritaires. Donc les États investissent massivement, ça fait l'objet de contrats entre les États et les industries pharmaceutiques, et aussi de performances techniques pour produire massivement ces armes contre les pathogènes. Bon, donc là, on a vraiment des techniques de rationalité au sens où on suppose que la catastrophe a une certaine réalité et on va voir comment cette réalité est constituée par des techniques. Et donc, pour forcer un peu le côté philosophique de cette approche, c'est un peu durkheimien au sens où c'est un peu des formes élémentaires de la biosécurité. À partir de la catastrophe comme élément formel, permettent de repérer des pratiques collectives. Et dans mes hypothèses, puisque c'est un séminaire, on expose des hypothèses, et je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec cette hypothèse, mais disons que là aussi, d'un point de vue théorique, ça, c'est un peu commode. Dans mes hypothèses... ces trois formes correspondent assez bien à ce que Durkheim a identifié comme, représentation collective, rituel et économie, quoi. Durkheim, et comme Durkheim-Mauss. C'est-à-dire les sentinelles, au fond, on pourrait dire, c'est les représentations mythologiques du monde de la biosécurité, parce que ça recompose les rapports entre les humains et les non-humains. Dans l'hypothèse d'un monde où les humains et les non-humains vivaient ensemble, en harmonie, et une rupture fondamentale, qui serait l'augmentation en fait du nombre de non-humains à des fins de consommation humaine, aurait provoqué une rupture historique et la propagation de nouvelles maladies. Donc là, c'est tout le domaine justement de l'histoire environnementale des maladies infectieuses émergentes, où on revient à la rencontre entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, la révolution du bétail dans les années 70, l'augmentation du nombre d'animaux de consommation qui fait qu'il y a toutes ces nouvelles maladies qui émergent. Bref, à tout un ensemble de récits historiques qui ont une consistance mythologique parce que c'est des récits d'origine, quoi. C'est des récits d'origine et qui... C'est des grands récits sur l'évolution de l'humanité, et c'est aussi des petits récits, puisque à chaque fois, on va pouvoir retracer l'émergence d'un virus dans des contextes où il y a des relations intenses entre humains et animaux. Christos Linteris, qui travaille à Cambridge sur tous les débats autour de la peste pulmonaire en Asie du Nord, en Mandchourie, montre comment les médecins vont se représenter le rôle des marmottes, et donc aussi les savoirs locaux dans la capacité des marmottes à transmettre des signaux d'alerte sur leur maladie, les transformations introduites par le chemin de fer, l'usage des coulisses qui vont utiliser ces marmottes pour alimenter le marché en fourrure en Europe qui va produire la grande peste de 1910. Et je suis tout à fait ces hypothèses sur le fait que c'est des récits mythologiques au sens de Lévi-Strauss dont on peut repérer les tensions internes en rapport avec un contexte dense. Et donc ce qui me semble intéressant, c'est justement de ne pas simplement dire c'est mythologique, c'est une origine, mais c'est de repérer les transformations de ces rapports entre humains et non-humains en fonction des types de catastrophes. Et alors ça m'a permis avec Andrew Lakoff de cartographier en quelque sorte les usages de la notion de sentinelle par rapport aux menaces écologiques contemporaines. Donc on a fait un numéro de la revue LIM là-dessus, le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens, les extinctions d'espèces. Pour toutes ces catastrophes écologiques représentées, on a des animaux ou des machines qui envoie aux humains des signaux d'alerte. Donc ça, c'est pour l'aspect. Donc, sentinelle, ce serait le côté mythologique. Maintenant, si on prend simulation, la tentation, c'est de dire que c'est des performances rituelles. impliquant des entités invisibles qui deviennent visibles par l'incorporation, tout un travail de l'imagination. C'est un travail qu'on a fait sur plusieurs années avec Sandrine Revet et Marc Ely. On a regardé des simulations de catastrophes dans différents contextes, et la question qu'on se posait, c'était quelles sont les techniques pour rendre réelle la catastrophe. Donc, par exemple, pour le tremblement de terre au Pérou, on va utiliser du sang et on va utiliser des victimes de catastrophes passées en leur mettant du sang et en leur demandant si ça leur rappelle la catastrophe. C'est donc tout un débat sur est-ce que ça semble réel. Donc c'est tout un ensemble de rapports entre la réalité et la fiction à l'intérieur de dispositifs qu'on peut qualifier de rituels, et où on peut voir comment des acteurs de la vie ordinaire vont voir leur rôle recomposé dans l'espace de la simulation. Donc la simulation, c'est pas seulement des modèles informatiques, c'est vraiment des performances, hein, des actions, des types d'actions qui recomposent les rôles en rapport avec la catastrophe. Et puis le troisième, troisième technique, le stockage, je la comprends de plus en plus comme le domaine de l'économie des échanges, puisque tout le débat sur le stockage, le débat juridique, c'est le coût du stockage, c'est les rapports intéressés entre les experts, les États, l'industrie pharmaceutique. Mais cet aspect, moi, m'intéresse peu, d'abord, ce qui est difficile à étudier. C'est très caché. Mais ce que j'ai pu observer dans les discussions entre les experts eux-mêmes, c'est que le stockage, c'est pas seulement mettre des souches ou des vaccins dans un lieu à l'abri, où on va pouvoir conserver ces souches pour leur usage au moment où la catastrophe arrive, mais on va aussi pouvoir les échanger. Donc c'est toute la discussion entre justement l'Indonésie et l'OMS sur on vous donne nos échantillons et en échange vous nous donnez des vaccins, donc ça recompose les rapports Nord-Sud. Et puis entre des biologistes, par exemple d'Allemagne et d'Angleterre, pour le cas que j'ai observé, ils vont prélever des échantillons sur des chauves-souris, des chasseurs de brousse au Ghana, et comme ils sont en concurrence pour prélever ces échantillons, il y a un moment où ils vont se les échanger, et ça pose tout un ensemble de problèmes de contrôle, contrôle de la chaîne du froid, donc tout un ensemble de problèmes de stockage qui est assez intéressant, qui pose aussi le problème de la valeur d'un échantillon par rapport à une banque de données. Donc, le problème de qu'est-ce que c'est qu'une bonne collection d'échantillons, comment est-ce que ça permet de retracer des mutations avec une forte valeur scientifique. Et c'est tout un ensemble de problèmes que j'ai étudié récemment dans le cadre de ce que des historiens anthropologues ont appelé la cryopolitique. Comment on fait pour conserver du vivant dans le froid, pour anticiper des catastrophes. Là aussi, il y a les extinctions d'espèces, il y a la mort de l'organisme humain, et puis il y a les pandémies. Bon, donc à partir de l'anticipation d'une catastrophe, tout un ensemble de pratiques et de représentations s'enclenchent à différents niveaux de réalité. Et donc, en décalant la catastrophe de l'objectif de la pandémie vers lequel nous orientent les autorités de santé publique, on peut ainsi tracer une carte des différentes catastrophes écologiques et des moyens dont disposent les sociétés contemporaines pour intervenir. Alors, le reproche qu'on peut faire à une telle approche, et qui a été faite, c'est deux choses. D'une part, elle est trop typologique. Elle pose trop de coupures, justement. Par exemple, l'ECOF sépare nettement la prévention et la préparation, en disant on a fait beaucoup de prévention sur les territoires pour le contrôle des grandes maladies du 19e siècle, le calcul des risques sur une population, et la préparation, c'est un tout autre horizon. Bon, est-ce que c'est si séparé que ça dans les pratiques de santé publique? Et puis, même à l'intérieur, moi-même, je fais d'autres typologies à l'intérieur de ces techniques. Et puis, d'autre part, ces approches supposent quelque chose comme un sujet global. C'est-à-dire que tout ça est quand même vu du point de vue d'une communauté. Et il est assez fascinant de voir comment cette communauté se constitue justement par un ensemble de réseaux, en faisant communiquer entre eux leurs différentes conceptions de la catastrophe. Et ce sujet global, c'est ce qu'on appelle la global health, la santé globale, qui arrive à parler, presque à manipuler les différentes autorités de santé publique ou écologique pour agir sur ces différents terrains. Bon, donc, je vais essayer d'accélérer un peu. D'un côté, une approche en termes d'hybridation qui va valoriser des terrains locaux, les attachements, les multiplicités, et de l'autre côté, une approche plutôt typologique qui, partant de la santé globale, va en formaliser les catégories. Donc, si l'on veut, d'un côté une approche plus tardienne et de l'autre une approche plus durkheimienne. Alors, l'approche que j'ai choisie entre les devenirs multiples et les catégories de la rationalité met l'accent sur l'ontologie contradictoire des sujets de la biosécurité. Et donc, la question qui m'a toujours intéressé, c'était finalement, qu'est-ce qu'un oiseau malade ? Non pas qu'est-ce qu'un microbe, ou n'est pas qu'est-ce que la santé globale, mais qu'est-ce que c'est que percevoir un oiseau comme malade ? Qu'est-ce que c'est que percevoir un oiseau à la fois comme porteur de bien et comme porteur de maux, MAUX, et peut-être d'ailleurs de maux MOTS, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau qui envoie des signaux d'alerte, et pourquoi est-ce que la notion de signal d'alerte permet de développer cette ontologie bizarre. Et également, qu'est-ce que c'est que cette nature dans laquelle des animaux communiquent avec les humains pour anticiper des maladies ? Qu'est-ce que c'est que cette nature terroriste, pour prendre un mot d'ordre qui circule dans cette communauté d'experts ? Alors, ce problème, je l'ai posé à partir de Lévi-Bruhl, puisque ce que j'avais essayé de montrer dans ma thèse, c'est que Lévi-Bruhl tient une position intermédiaire entre... d'un côté, une approche, disons, Tarde-Bergson en termes de multiplicité, de perception, et une approche plus durkheimienne, et s'interroge sur le passage justement de la perception à la représentation. C'est tout le problème de la participation. Hein, qu'est-ce que c'est que participer à un dispositif où des non-humains apparaissent comme humains c'est le fameux énoncé « les bororos sont des araras », qui est un énoncé ontologique, et justement, bon, faux, parce que ontologique. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec ontologique, et ce que j'essaie de montrer, c'est justement que Lévi-Bruhl va mobiliser des catégories de la métaphysique, au sens occidental, pour résoudre ce problème. Il ne va pas du tout raffiner sur le mot « être », mais il va raffiner sur la notion de causalité, c'est-à-dire la participation, c'est un mode de causalité, où l'invisible devient visible sans toutefois former un ordre cohérent, clair. Ça, c'est, bon, c'est un peu subtil, mais c'est tout l'intérêt de l'approche de Malebranche par rapport à, disons, un cartésianisme sociologique où, au lieu d'avoir un sujet collectif qui imposerait ses catégories de façon claire, on a une sorte d'ordre aux frontières floues, mais dans lequel les entités visibles s'orientent, prennent sens et deviennent visibles collectivement. Bon, voilà, donc là je peux développer un peu, mais il faudrait quand même qu'on ait un peu de temps pour la discussion. Bon, ça m'a amené à reprendre ensuite... la piste Evans-Pritchard, Lévi-Strauss, c'est-à-dire les oiseaux comme des opérateurs sémiotiques. Et donc finalement, ce régime entre la perception et la représentation, c'est la circulation des signes. Les signes étant ces entités contradictoires qui permettent de passer d'un niveau de réalité à un autre. Donc l'opération que j'effectue, en fait... par rapport à l'approche de mes collègues disons, technique de rationalité, c'est en quelque sorte de survaloriser Sentinelle, de lui donner un poids ontologique ou métaphysique pour orienter à partir de là simulation et stockage. C'est-à-dire considérer simulation et stockage comme des techniques de Sentinelle, un peu comme Lévi-Strauss a finalement absorbé le rituel et l'économie dans le régime de circulation des signes de la mythologie. Pour clarifier ça rapidement, je dirais que la sentinelle, c'est un vivant particulièrement intense. C'est l'idée de sentir, hein, dans Sentinelle, à la frontière entre l'ami et l'ennemi. C'est toute l'ambiguïté d'un vocabulaire militaire transféré à des interventions médicales. En cela, la sentinelle se distingue du lanceur d'alerte étudié par la sociologie des risques. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte vise à passer de la perception à la représentation pour construire un problème public, alors que la sentinelle n'a pas ce type d'intentionnalité, mais la sentinelle permet de passer d'un niveau de réalité à un autre vers une abstraction toujours croissante, vraiment au sens de l'opérateur sémiotique de Lévi-Strauss. Et dans le discours des scientifiques avec lesquels j'ai travaillé, ce qui m'a fasciné, c'est de voir la notion de sentinelle justement utilisée à des niveaux apparemment complètement différents. Le niveau cellulaire, avec des cellules sentinelles, cellules dendritiques du système immunitaire, qui vont être les premières à se porter à l'approche d'un pathogène pour informer le système immunitaire. Ça décrit aussi des organismes vivants, des volailles non vaccinées dans une ferme, et ça décrit aussi des entités politiques. Hong Kong va être décrite comme sentinelle des pandémies de grippe, parce qu'elle est intermédiaire entre la Chine et le monde occidental, disons. Bon, voilà, là je passe sur... il y avait la question du sacrifice, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. Et donc, pour conclure, et pour revenir à ce que disait Gildas Salmon sur la délégation ontologique. La délégation ontologique que j'effectue par ces sentinelles de la biosécurité ne consiste pas seulement à faire des animaux et des microbes des acteurs dans un monde pluriel, mais à les considérer comme des signes qui circulent selon des modalités contradictoires et à des niveaux de réalité différents. Ce qui explique leur prolifération, mais aussi la tentation de les rabattre sur un seul niveau, ce qui serait justement l'opération sacrificielle. Et donc j'essayais d'analyser une pluralité de participation à la biosécurité, élargissement dont on peut dire qu'il s'opère aujourd'hui autour du thème de la biodiversité, par exemple. Là où le modèle durkheimien en restait au niveau de l'intervention sacrificielle. Et ce projet, cette approche ouvre à un projet comparatif, c'est-à-dire si on a effectivement cette multiplicité d'opérations de circulation des signes, quelles sont les différentes façons de faire sentinelle? Est-ce qu'on peut sortir du collectif, disons, de type analogique que j'ai étudié et étudier plutôt des collectifs de type animique ou totémique? En ce sens, donc, à partir du type d'ontologie des sentinelles que j'ai étudié, on pourrait étudier d'autres ontologies des sentinelles, et en ce sens, donc, j'assume le côté 19e siècle de mon approche, à la fois dans les concepts et dans les méthodes d'enquête. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ton exposé qui nous a permis, à nous qui avons déjà travaillé sur tes travaux antérieurs, de resituer bien ton approche par rapport à cette approche qui paraissait comme ça être un petit peu proche, celle du nuage, par exemple, sur le frontière nuage, etc. Et pour les éléments sur lesquels t'es passé plus vite à la fin, la question de la participation, la question de la sentinelle, la question de sacrifice que tu as évoqué rapidement, je pense qu'on y reviendra dans la discussion, parce qu'on a beaucoup évoqué en préparant cette séance. Donc je passe tout de suite la parole à Karine. Pour ouvrir simplement la discussion et ensuite on pourra tous te répondre. J'ai trois blocs de remarques, enfin qui sont aussi des questions de mon point de vue de complète non-anthropologue, donc c'est peut-être des questions parfois un peu naïves. Juste, je voudrais revenir sur le dernier point, donc sur le point de la sentinelle que vous avez défini. En fait, je me demandais, puisque vous définissez la sentinelle comme se différenciant du lanceur d'alerte, puisque elle est ce vivant intense qui serait à la frontière entre l'ami et l'ennemi, et elle brouille, en même temps de brouiller la frontière entre l'ami et l'ennemi, elle brouille aussi la frontière entre humain et non-humain, si j'ai bien saisi. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure et comment la sentinelle, elle se démarque finalement de l'idée de la représentation du simple représentant, du représentant d'un groupe potentiellement infecté par un virus, par exemple, si on prend l'idée des animaux. Puisque, j'ai peut-être pas bien saisi, mais si, pour reprenant l'exemple de la grippe aviaire, par exemple, si un groupe d'oiseaux fait sentinelle pour l'arrivée du pathogène, il me semble que, si j'ai bien suivi, une des préconisations de la biosécurité, ce sera d'abattre ce groupe-là en question. Alors du coup, dans quelle mesure est-ce que vraiment ça brouille la distinction entre ami et ennemi, puisqu'on est toujours, et entre homme et animal, puisqu'on est toujours en fait dans une représentation qui va instrumentaliser l'animal au profit finalement d'un discours sanitaire et sécuritaire qui sera toujours anthropocentré en fait. Alors, je ne sais pas si je pose toutes mes questions ou si... Comme vous préférez. Oui. Je prends toutes les questions, comme ça je vois comment elles s'orientent. Ouais. Donc ça c'est le premier bloc. Le deuxième bloc c'était en fait plus relatif aux pathogènes et aux microbes en général. Donc vous parlez beaucoup plus des virus, mais j'imagine qu'on pourrait aussi inclure les bactéries, enfin ou certaines bactéries dans le propos. Et en fait, là, c'est plus un parti pris un peu au niveau de la biologie. En fait, je rejoins un peu les travaux qui sont faits depuis Lynn Margulis, qui revient un petit peu sur l'importance de la microbiologie, l'importance des symbioses dans la nature. On relie actuellement en biologie la nature via le phénomène de symbiose, alors que la symbiose, elle soit parasitaire, commensale ou mutualiste, peu importe. Et je me demandais... si finalement on pouvait pas reconnaître alors je sais pas si les termes sont justes, mais une forme d'ontologie microbienne ou d'ontologie microbiologique dans laquelle finalement on repenserait la nature ou disons qu'on pourrait penser un plan d'immanence dans la nature qui brouillerait les frontières entre humains et non-humains à partir de la microbiologie qui vient montrer que justement ces frontières n'existent pas parce qu'il y a une infection qui est équivalente et qui peut en plus se transmettre de l'humain au non-humain. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous avez peut-être pensé à ces travaux aussi en travaillant sur vos sujets ou pas. Donc disons les microbes comme une éventuelle entrée nouvelle façon de penser à un plan d'immanence dans la nature et qui brouillerait les frontières entre humains et non humains et peut-être penser du coup une anthropologie au-delà de l'humain à partir de là. Voilà, et puis la dernière le dernier bloc de remarques, il était un peu annexe. C'était plutôt pour revenir sur le concept de nuage que vous évoquiez et puis cette idée de décentrer l'information dans le concept de nuage. Cette idée d'une multiplicité interne et d'une horizontalité et que vous opposiez, si j'ai bien compris votre discours, au début à l'idée au contraire qu'il faudrait peut-être... poser d'abord les frontières pour penser la continuité, c'est-à-dire partir de la discontinuité pour repenser ensuite la continuité. Je me demandais, dans ces analyses-là, quand on parle de frontières et quand on parle de distinction entre les espèces, ou au contraire d'une multiplicité qui brouillerait les distinctions entre les espèces, dans quelle mesure le concept fort et ontologiquement d'espèce, il tient encore ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt... quand on parle d'infections et de pathogènes qui peuvent passer, qui peuvent se passer entre animaux et qui peuvent se passer d'une espèce à l'autre, y compris chez les humains, si on n'est pas plutôt dans une relation de type interindividuel où l'espèce n'a plus vraiment de sens, et dans quelle mesure est-ce que le terme, disons la place ontologique forte qu'on donne aujourd'hui au concept d'espèce tient toujours dans ce type de relation. Voilà. Bon, alors, merci pour la lecture et pour les questions qui sont au centre de l'exposé. D'abord sur votre première question me permet de préciser la question du sacrifice parce que j'ai très rapidement évoqué, puisque un des débats sur la sentinelle, c'est de savoir si la sentinelle se sacrifie pour le collectif. C'est un argument qu'on a, par exemple, dans une certaine forme d'anthropologie cognitive, où on va voir des oiseaux sentinelles qui vont alerter leurs congénères, mais qui, du coup, risquent de se faire manger par le prédateur. Ce serait vu comme l'origine de comportements altruistes qui ensuite donnerait lieu à des pratiques religieuses. Enfin. Et alors, du coup, dans le domaine de la santé publique, forcément, c'est très mal vu de dire qu'on va sacrifier certaines populations pour sauver les autres, notamment si ces populations sont humaines. Et comme il y a des populations humaines qui sont sentinelles, on va tendre à dire ces populations vont être animalisées, vont être mises à l'écart de la communauté humaine. Alors que j'essaye de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de considérer que si des animaux sont perçus comme des sentinelles, c'est une façon de les humaniser et justement de les faire échapper à la logique du sacrifice, puisque la sentinelle n'est pas forcément dans une logique altruiste. Elle peut envoyer des signaux d'alerte par de façon purement ostentatoire, dans une rivalité à celui qui enverra le plus de signes, une espèce de consommation exubérante de signes. Ça, c'est ce qu'a montré l'ornithologue Zahavi sur justement des comportements d'oiseaux sentinelles. Il y a une rivalité entre les oiseaux pour faire sentinelle, donc il est contre la théorie du sacrifice. Et de la même façon, mon idée c'est que il y a différentes sentinelles de la grippe qui sont entre elles en rivalité pour essayer d'intensifier au maximum en fait leur rapport à l'environnement depuis cet horizon commun de la catastrophe pandémique. Par exemple, il serait faux de dire que la population de Hong Kong se sacrifie pour le reste du monde en s'exposant au virus de grippe aviaire ou de SRAS venu de Chine. C'est plutôt qu'elle va se concevoir comme porteur de signes devant le reste du monde. Voilà, donc c'est beaucoup d'éléments comme ça un peu mêlés, mais en ce sens, la sentinelle n'est pas ce qu'on met à l'écart d'un groupe pour en faire le point d'imposition de logique sécuritaire, mais c'est plutôt ce qui, à la frontière, justement, va développer au maximum des logiques qui, notamment environnementales, qui sont peu intenses dans le groupe. Alors, maintenant, sur les microbes. Toute cette approche en termes de symbiose, Lynn Margulis, ça c'est vraiment en sous-bassement de l'anthropologie multi-espèces dont je parlais tout à l'heure, hein, M. Reich. Alors c'est aussi complètement en accointance avec Latour, même si je pense que Latour a découvert Margulis assez tard, puisque Margulis est une des fondatrices de l'hypothèse Gaïa. Hein. L'idée que la Terre elle-même est en symbiose comme les microbes à l'intérieur de notre organisme avec des phénomènes de régulation mutuelle. Alors, moi, j'ai toujours résisté à l'idée de considérer les microbes comme des acteurs, en fait. Et en ce sens, J'adore le livre de la Tour, mais sur Pasteur et les microbes, mais c'est pas la voie que j'ai suivie. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les oiseaux. C'est un oiseau avec des microbes. Et donc, ce que les microbes révèlent des relations entre les oiseaux et les autres espèces, disons. Là, justement, je reviens d'un atelier de discussion sur les microbes où maintenant on parle de microbiome. C'est-à-dire la symbiose des microbes à l'intérieur d'un organisme qui assurerait sa conservation et qui pourrait également être transmis, notamment de la mère à l'enfant. Et donc là, on a presque des mécanismes de type sentinelle, puisque il y avait beaucoup de discussions sur quels sont les éléments, d'abord sur l'existence même du microbiome, comment dans l'ensemble des bactéries qui composent notre organisme, qui sont dans notre organisme, il y en a certaines qui constituent le microbiome et qui pourraient être transmises. Et donc, elles sont, à l'intérieur du microbiome, les cellules qui transmettraient l'information constitutive de... Alors, il y avait des discussions sur les cellules souches, notamment. Donc le microbiome étant aurait peut-être le rôle à l'intérieur de cette grande idée de synthèse comme plan immanent, justement, de la sentinelle. De la sentinelle pour l'organisme. Et parce que finalement, il a presque un rôle analogue à celui du système immunitaire. Donc en ce sens, dans le plan d'immanence, pour le dire en termes philosophiques, hein, dans le plan d'immanence, la sentinelle, c'est quand même... c'est une science, quoi. C'est un point d'accrochement, c'est un point d'anticipation. Alors que l'idée de la symbiose a des frontières beaucoup plus floues. Et c'est pour ça que je maintiens la frontière dans le concept de sentinelle. Et donc du coup, est-ce qu'il faut maintenir le concept d'espèce ? Alors, là-dessus, on voit le concept d'espèce complètement renouvelé et utilisé dans des sens très différents pour qualifier non seulement les mécanismes de franchissement de barrières d'espèce. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une barrière d'espèce si des pathogènes peuvent les franchir ? Sachant qu'il n'y a pas de il y a pas de déterminant génétique pour le franchissement de barrières d'espèces, donc c'est plutôt des conditions écologiques. Et puis il y a la question aussi même de savoir si certains virus constituent une espèce séparée par rapport à d'autres. Le virus mutant, par exemple, il y a des discussions sur savoir si c'est une quasi-espèce. Donc, en ce sens, ma position, c'est celle de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que l'espèce, c'est un opérateur de généralisation, de singularisation et de généralisation dans des discussions qui partent de discontinuité, c'est-à-dire quand même de catastrophes écologiques. Et en ce sens, justement, je trouve que le concept de nuage ne donne pas assez de place à toutes ces discussions sur l'espèce. Pour qu'il y ait opérateur de généralisation et de singularisation, il faut quand même distinguer des niveaux. Qu'il y ait des espèces de virus, des espèces animales, ça montre que c'est un concept qui fonctionne assez bien dans tous ces discours. Mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire ça ne fonctionne pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que le concept d'espèce permet de penser les frontières. Vous êtes du coup ouvert à la discussion de façon générale, hein, si comme ça on va pouvoir tous intervenir là-dessus. Moi, j'ai des petites questions à poser, mais je poserai après. Bon, peut-être je lance à ce moment-là tu reviens en fait à plusieurs reprises sur la question, donc tu l'aurais dit là, sur la question du sacrifice, est-ce qu'on sacrifie ou est-ce qu'on sacrifie pas, et t'as proposé une typologie de plusieurs types de sacrifices, un peu plus élargie que ce que tu as eu simplement le temps de nous exposer ici. Et il me semblait qu'il y avait un horizon en fait anthropologique que j'avais du mal à saisir derrière. Qui était l'idée que le sacrifice n'est pas simplement un objet de séparation entre le sacrifiant et le sacrifié, mais aussi un objet de communion. C'était ça qui était très important, parce qu'on recrée de la continuité. Tu avais toute une généalogie bataillienne, etc. Et juste, est-ce que tu pourrais resituer un petit peu tout ça, pour moi, c'est un peu contre-intuitif, le fait de dire que quand on va sacrifier les poulets de tel ou tel endroit, les 1 million, 500 000 poulets, si j'ai bien compris, il y a de la grippe aviaire qu'on sacrifie, j'ai pas du tout l'impression qu'on crée une communauté entre nous et les poulets, et au contraire, intuitivement, j'ai plus l'impression qu'on les renvoie à leur statut de bétail. Donc voilà, en quoi est-ce que le concept de sacrifice il est opérant par rapport à ça, et d'où vient en tout cas cette généalogie de continuité dans le sacrifice? Est-ce que ça, vraiment ça fonctionne ici? Alors, moi j'essaye d'éviter le concept de sacrifice justement, ou d'en faire juste une opération parmi d'autres dans le monde de la biosécurité. C'est même une opération un peu limite, puisque le point de départ pour toutes ces analyses, pour pas mal de gens qui s'y intéressent, c'est quand même effectivement les phénomènes frappants d'abattage massif de vaches folles en Europe, d'oiseaux en Asie, au même moment. Ou ces logiques d'éradication en Amérique du Sud pour la dingue. Et une approche, c'est de dire qu'effectivement, ça c'est très éthique animale de dire ça, de dire on a sacrifié les animaux parce qu'on les a considérés comme des marchandises, alors qu'il faudrait les considérer comme des sujets éthiques. Et on a sacrifié ces animaux pour affirmer un impératif de santé publique. Ce que j'essaye de dire, c'est que donc c'est un sacrifice au sens où effectivement ça rétablit la discontinuité entre hommes et animaux, alors que les maladies ont brouillé cette discontinuité, ont montré des continuités, et en même temps provisoirement ça l'opère, c'est-à-dire celui qui fait le sacrifice va entrer en continuité avec l'animal de façon scandaleuse. Par exemple, aussi bien en Europe qu'en Asie, on avait des responsables de santé publique qui mangeaient du poulet ou du bœuf en disant « mangez-en, c'est sain ». Alors bon, il y avait tout un ensemble d'opérations qui disaient « oui, mais je mange de la viande française » ou je mange des poulets non infectés, mais il y avait cette mise en scène de l'autorité de santé publique comme capable de manger quelque chose que les autres ne voulaient plus manger, et donc réouvrant la possibilité de manger après avoir opéré la discontinuité avec les animaux malades. Voilà, donc on a un certain nombre de caractéristiques de l'opération sacrificielle. Ce que je dis, c'est que c'est juste une opération parmi d'autres, et qui tend à recouvrir justement l'ensemble des opérations par lesquelles des savoirs sont constitués dans le rapport avec les bovins ou avec les oiseaux, qui passent par exemple par la vaccination, la surveillance. Et ces rapports-là, je les décris sur le modèle de la sentinelle. Donc c'est pour ça que j'évite les arguments qui disent la sentinelle se sacrifie, parce que pour moi c'est deux logiques différentes. La sentinelle va plutôt, pour le dire dans les termes de Philippe Descola, la sentinelle va faire proliférer les rapports entre humains et non humains, alors que le sacrifice va plutôt les rabattre sur un seul niveau. Okay. C'est plus clair, ouais. Comme ça. Merci. Peut-être je vais poser une question à propos de l'usage très, très bref que tu as fait à propos de la notion de biopolitique. Alors, est-ce que c'est une notion, comment dire, à laquelle tu fais référence parce que simplement ça fait partie du paysage intellectuel, d'une sorte d'héritage commun dans lequel on peut puiser, ou est-ce que ça fait sens pour toi de continuer à utiliser cette expression ou une expression équivalente, moins marquée par son origine foucauldienne? Est-ce que ça fait sens de l'utiliser pour désigner un nouvel âge ou une nouvelle manifestation, pas forcément totalement spécifique sur le plan épocal, de cette prise sur le vivant qu'avait essayé de décrire Foucault comme caractéristique des formes modernes de la politique? Et il y aurait plusieurs hypothèses. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit et dans ce que tu as écrit en rapport avec, ton exposé d'aujourd'hui, c'est que tu nous sors d'un usage, je dirais, un peu facile de la notion de biopolitique, qui aurait le regard rivé sur les biotechnologies, sur la médecine d'amélioration, c'est-à-dire tout ce qui, flatte notre sens critique, par lequel nous sommes scandalisés, ou nous apprêtons à être scandalisés philosophiquement, du fait que l'époque contemporaine accroît sa prise et sa domination, son instrumentalisation du vivant, ce qui se voit aussi dans les pensées marxistes critiques. Toi, tu montres on pourrait dire, si tu acceptes la notion, que dans la biopolitique moderne, il y a la prise en compte d'une espèce d'altérité, du risque immanent à ces figures contemporaines. Alors voilà, est-ce que tu te vois comme quelqu'un, si tu avais à choisir ça comme interlocuteur intellectuel et à prendre position, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui essaye de montrer une nouvelle phase ou une nouvelle dimension de la biopolitique contemporaine, plus ancrée dans l'idée de risque, plus ancrée dans la conscience de la vulnérabilité des dispositifs institutionnels et de la vie politique qui nous caractérise, ou est-ce que tout simplement, par rapport à ce que tu dis à la fin, ça me semble peut-être la voie privilégiée, est-ce que tu penses que tout simplement cette notion de biopolitique est trop massive et qu'elle garde en elle une connotation hypercritique en quelque sorte qui fait que le rapport au vivant est toujours vu comme de l'ordre de la domination, ce que tu refuses. Hein. C'est pour ça, me semble-t-il, que tu lises la conceptualité issue plutôt de la sociologie française que de la pensée foucauldienne, parce que là, on peut peut-être penser cette complexité, ces liens, ces passages, ces homogénéités, ces continuités entre la vie sociale et les mondes biologiques. Voilà, comment tu te positionnerais par rapport aux usages contemporains de la notion de biopolitique et par rapport à la notion elle-même, comme tu la vois, quoi. Je viens de la biopolitique. Moi, j'ai découvert ça à Berkeley en 99, à un moment où personne n'en parlait en France. Et voilà, je vais voir Rabino, je lui dis sur quoi vous travaillez. Il me dit biopower, et moi je pensais que c'était une blague. Et donc j'ai découvert les textes de Foucault, avant de lire Lévi-Strauss. Donc j'ai baigné dans ce bain-là. Et effectivement, j'étais fasciné par l'idée du retournement des biopolitiques contre le contrôle, enfin Negri, toutes ces choses-là. Quand le livre Empire est paru en France en 2000, je crois, 2001. Et pour autant, effectivement, tout le travail qui a été fait depuis, je dirais, s'orientait dans deux directions, c'est-à-dire d'une part problématiser le bios, le réouvrir, inclure justement les biotechnologies en tant qu'elles portent sur l'organisme individuel, mais les non-humains, les microbes, microbiopolitique. Et puis, d'autre part, penser la biopolitique par rapport à son autre, qui serait, comme tu l'as dit, la thanatopolitique. C'est tout le travail de Fassin ou de Membe sur la nécropolitique, les restes de la biopolitique en justement s'appliquant, enfin faisant proliférer la vie, elle laisse de côté, elle laisse mourir, dit Foucault, certains vivants. Et puis son autre qui serait le pouvoir souverain, donc toutes les discussions sur le fait que c'est Agamben. Le biopouvoir est toujours lié au pouvoir souverain, et alors qu'on a un pouvoir qui se raffine, qui se capillarise, qui s'individualise, on a aussi des opérations massives du type l'abattage des volailles, comme l'opération moderne par excellence, par laquelle Margaret Chan, directrice de l'institution de la santé, de l'administration de la santé, enfin, du ministère de la Santé à Hong Kong en 97, qui vient de passer sous souveraineté chinoise, future directrice de l'OMS, la première chose qu'elle fait, sa première décision, c'est quand même d'abattre tous les poulets vivants sur le territoire. Comment on décrit ce type d'opération dans les termes de la biopolitique? Après, j'en ai pas parlé, ça devait faire partie d'un petit paragraphe, mais j'essaie aussi de raffiner les termes de l'analyse en suivant au plus près les formules de Foucault, c'est-à-dire en faisant une lecture presque structuraliste des formules de Foucault, dans les opérations, dans les inversions d'opérations qu'il propose, justement en disant c'est pas juste comme enfin pouvoir souverain et biopolitique qui fonctionnent ensemble, c'est passage du pouvoir de faire mourir et laisser vivre au pouvoir de faire vivre et laisser mourir. Donc faire vivre, c'est l'individualisation de la biomédecine, le risque. Laisser mourir, c'est la thanatopolitique. Faire mourir, ça peut être justement les abattages massifs d'animaux malades. Et puis le point que j'ai finalement le plus creusé, parce que ça me semblait être une faille, un gap in knowledge, comme disent les biologistes, dans la biopolitique, c'est laisser vivre. Qu'est-ce que c'est que laisser vivre ? Alors quand des ornithologues relâchent des oiseaux, ils se demandent est-ce que je les relâche dans le bon environnement, est-ce que ça va pas être qualifié d'espèce invasive. Quand ils discutent avec des bouddhistes à Hong Kong qui eux aussi vont relâcher des oiseaux mais en pensant que ça fait partie d'un cycle des âmes, et donc les ornithologues vont leur dire mais attention, vos oiseaux, si vous les relâchez dans un mauvais environnement, ils vont être malades, ils vont peut-être attraper des maladies, des pathogènes dangereux pour les humains. Voilà, quelles sont les discussions autour du laisser-vivre ? Et ça ouvre une prise sur pas mal de choses en sciences environnementales, notamment. Donc voilà, pour moi, la biopolitique, c'est vraiment un champ dans lequel il y a tout un ensemble d'opérations à décrire. Du coup, moi, j'ai peut-être une question un peu... Je suis pas sûre d'avoir compris en fait ce moment-là de. Enfin, parce que j'ai repris aussi votre papier de Sarrazy qui est lié donc à toutes ces questions-là. Et en fait, par rapport à cette thématique du laisser-vivre, j'ai l'impression que de ce point de vue-là, on peut tracer un parallèle quand même avec le texte de Lévi-Strauss sur la leçon de sagesse des vaches folles que vous citez justement. Oui, il propose de relâcher les vaches. Il y a toute une idée qui développe qu'on aurait nous aussi finalement une sorte de fond commun, d'une origine commune avec les animaux qui se traduirait par l'utilisation de peluches et plus tard peut-être le dégoût quand on passe devant les boucheries. Et en fait, d'une certaine manière, dans la façon dont vous traitez la question du laisser vivre ou faire mourir, j'ai l'impression que vous posez la question un peu comme lui, dans la mesure où ça postule en fait une sorte de continuité originelle possible entre les animaux et les hommes. C'est-à-dire qu'il me semble que la thématique du laisser vivre, elle est particulièrement féconde à l'intérieur du groupe humain, puisque entre humains, on ne se tue pas. Alors que, au contraire, la grande majorité des relations qui ont été construites avec les animaux dans un grand nombre de civilisations sont fondées justement sur la mise à mort sans que celle-ci soit forcément envisagée comme un meurtre, un sacrifice ou quoi que ce soit de négatif. Et donc, du coup, en fait, moi, c'est un peu là où je ne suis pas sûre de voir d'abord... Est-ce qu'il est possible de penser à un laisser-vivre des animaux, justement, sans tomber dans l'aspect bouddhiste qui suppose une continuité des âmes ? Et du coup, est-ce que la notion de sacrifice est pertinente pour penser la mise à mort des animaux pour se nourrir, que vous utilisez dans votre texte et que Lévi-Strauss utilise aussi, et qui me semble pour le coup aussi un peu contre-intuitif, parce qu'il me semble que ça mettrait en péril beaucoup de pratiques carnivores. Oui, alors l'idée de lire la leçon de sagesse des vaches folles orientée par le laisser-vivre est une interprétation qui est souvent faite par les animalistes, par les défenseurs des animaux. Parce que je crois que Lévi-Strauss, effectivement, ouvre cette possibilité dans son texte. Il imagine un temps futur où on se retournera vers les pratiques des bouchers avec dégoût et on libérera les vaches qui reviendront à l'état sauvage et on vivra avec elles en harmonie comme on le faisait à l'origine. Donc ça semble comme ça une espèce de récits mythologiques qui se bouclent sur lui-même, mais Lévi-Strauss dit aussi que il y aura quand même certaines vaches qu'on gardera, dont on fera des machines à viande, qui seront considérés comme un peu des sentinelles pour surveiller l'état de santé du reste du bétail. Donc, loin d'en faire des machines à viande, elles seront au contraire, les vaches qu'on mangera seront davantage intégrées à la communauté humaine que les vaches qu'on aura laissées à l'état sauvage. De ce point, et il utilise Auguste Comte pour dire ça, donc une utopie complètement artificialiste, alors que les animalistes font de ce texte une lecture plutôt justement une utopie naturaliste en fait. Donc la force du texte, c'est de laisser ouvert ces deux possibilités. Du coup, moi, quand j'avais étudié les bouddhistes qui relâchaient des oiseaux, alors j'étais très fasciné par le côté justement biopolitique au sens de Negri, puisque les bouddhistes à Hong Kong étaient les seuls à avoir critiqué l'abattage massif des volailles. Puisqu'ils sont végétariens, ils disent si vos volailles sont malades, c'est parce que il y a un mauvais karma à élever massivement des volailles dans des fermes concentrées. Il faut rompre ce mauvais karma en cessant de manger de la viande de volaille. Et ils ont des pratiques qui consistent à extraire les oiseaux, mais aussi tout un ensemble d'animaux, des marchés pour les relâcher dans des parcs ou dans l'eau. Ça semble effectivement une sorte de critique biopolitique, là, de l'animal, l'animal relâché, l'animal revenu. Alors, pas dans l'état originaire, mais auquel on donne la possibilité de revenir dans un cycle des âmes. Puisque l'idée, c'est que quand on relâche l'animal, ça augmente les mérites. Qui ensuite retombe sur les hommes, soit maintenant, soit dans une autre vie. Il semble en même temps que dans la cosmologie bouddhiste, il y ait aussi certains hommes qui puissent avoir la position d'être à l'avant-garde de l'humanité et d'ouvrir la porte vers d'autres états d'âme. Un peu comme ces oiseaux qu'on libère, donc c'est un peu la même. Ce qui m'intéressait, c'était que il y avait une controverse sur ce qu'était libérer des animaux. C'était pas juste opposer la libération des animaux, laisser vivre ou faire mourir. Il y avait une controverse sur comment on laisse vivre les animaux, dans quels environnements. Donc en ce sens, ça restitue pas une sorte de cosmologie bouclée sur elle-même. Parce que du coup, moi, ça me fait, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu souvent autour des mêmes questions. J'ai le passage en fait là dont tu parles, le passage où Lévi-Strauss. Alors, imagine que la vache folle se répandrait en fait à l'ensemble des carnivores et on pourrait plus manger. Donc, il faudrait arrêter la viande carnée. Et il dit en fait ce que tu dis. Hein, il dit la viande figurera alors au menu des circonstances exceptionnelles. Il cite le fugu, ce poisson japonais comme étant le paradigme. Et on la consommera alors avec ce mélange de révérence pieuse et d'anxiété qui, selon les anciens voyageurs, imprégnait les repas cannibales de certains peuples. Mmh. Et là, il arrive sur les termes que tu utilises. Dans les deux cas, il s'agit à la fois de communier avec les ancêtres et de s'incorporer à ces risques et périls la substance dangereuse d'êtres vivants qui furent ou sont devenus des ennemis. Il est vrai qu'on est avec ce concept d'ennemi ou d'ami, un petit peu dans ce que disait Stéphane sur une espèce de non plus la biopolitique. Je ne sais plus comment tu l'as qualifié, mais d'utilisation de l'animal, est-ce que l'animal était simplement un objet ou est-ce qu'il est... Mais on est dans un petit peu un autre paradigme. Et c'est ça, il me semble, qui est rentré un petit peu en tension avec nos questions. C'est-à-dire que du coup, est-ce que ce paradigme de l'ami, il ne prend pas en fait... il a une focale très très importante. Il ne prend pas en charge en fait une pluralité de ce qu'on a l'habitude de prendre comme étant de l'animal domestique, le caniche domestiqué, l'ensemble des animaux qu'on... Désolé, mon rhume, d'aller avoir un débit suffisant. Tu vois ce que je veux dire, dans la catégorie d'ennemis, on a beaucoup de choses ici, dans le texte de Lévi-Strauss, il me semble, dans la façon dont toi tu le reprends, mais est-ce que du coup, est-ce qu'on n'y perd pas dans certaines analyses concrètes et empiriques pour voir la fluctuation du statut de l'animal, si on... C'est juste pour rebondir un peu ce que vient de dire Daphné et Stéphane, je suis pas sûr de voir les exemples que ça pourrait impliquer. Alors, dans le concept de sentinelle, il y a effectivement l'idée que l'animal sentinelle se porte en première ligne vers l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi ici? C'est le pathogène, c'est le microbe. C'est le microbe qui... il y a l'idée d'un réservoir animal dans lequel le microbe est tapis avant de sauter vers les humains. Et les sentinelles, c'est ceux qui seraient à la frontière de ce réservoir. Parce que justement, dans l'opacité du réservoir, c'est ce qui enverrait des signaux à peu près clairs. Donc ça brouille effectivement la frontière entre les amis et les ennemis, parce que pour qu'il soit équipé, l'animal sentinelle, il faut qu'il fasse partie d'un ami. Mais pour qu'il transmette un signe de maladie, il faut qu'il soit du côté de l'ennemi. Donc c'est celui qui passe du côté de l'ennemi et qui revient dans la communauté. Et de ce point de vue, c'est pas du tout la coupure entre animal domestique et animal sauvage. Ça la brouille complètement. Ouais. Tu as raison. C'est-à-dire que les animaux domestiques peuvent aussi transmettre des maladies. Hein. Ou des animaux sauvages peuvent susciter des attachements. Le blaireau est considéré comme l'animal réservoir pour la tuberculose en Angleterre. Alors les gouvernements anglais veulent abattre les blaireaux. Mais les défenseurs des blaireaux en font justement une espèce protégée, sympathique. Donc il va y avoir, on va prendre des blaireaux comme animaux domestiques. Donc les maladies les pathogènes en se transmettant vont complètement recomposer ces rapports ami-ennemi. D'accord. Et alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le microbiologiste va retracer. Les voies du pathogène, il va prendre le point de vue des pathogènes. Et là, lui, il va prendre le point de vue de l'ennemi. Et il va cartographier le réservoir animal. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut entendre ici par point de vue? Parce que tu cites plusieurs fois cette notion qu'on trouve beaucoup chez Edouard de Cône, je crois que tu apprends directement à lui, ou José Castro, etc. Ici, exactement, pourquoi ça consiste de prendre le point de vue du virus? Parce qu'on se disait, est-ce qu'on n'a pas simplement un modèle naturaliste classique, c'est-à-dire totalement objectivé, simplement qui se situe au niveau microbiologique, où du coup on a des nouveaux êtres qui apparaissent, mais qui n'a pas du tout ce côté un petit peu perspectiviste qui est un peu évoqué dans ce que tu... Voilà, donc ici, prendre le point de vue du virus, comment il faut l'entendre exactement? Bah, au début, c'est vraiment empirique, c'est-à-dire que la plupart des microbiologistes, quand ils écrivent leur récit, souvent de façon héroïque, disent « je prends le point de vue du microbe ». Ils l'ont tellement étudié en laboratoire qu'ils peuvent, au lieu d'en faire ce qui est traqué, puisqu'il y a toute l'étape d'identification du virus, ils vont rétrospectivement... retracer ces mutations d'un animal à un autre, d'une région à une autre. Alors, est-ce que pour autant c'est un perspectivisme au sens de Viveiros et Castro? Pas vraiment, parce que il n'y a pas de point de vue du virus sur les humains. Il n'y a pas d'échange des perspectives. L'humain peut prendre le point de vue du virus, mais l'humain peut voir le monde tel que le virus le voit, mais il ne peut pas voir l'humain tel que le virus le voit. Puisque l'humain, c'est juste... Alors, s'il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est pas mal de discours sur l'homme comme cul-de-sac épidémiologique. C'est-à-dire que souvent, dans la transmission interespèce, ça s'arrête à l'humain. Ça doit avoir des raisons biologiques, hein, mais comme si cette expression était une façon de dire que le virus vise l'homme sans avoir d'intentionnalité. Puisque c'est le point où il s'arrête, mais il n'a pas vraiment d'intention de s'y arrêter. Bon, mais voilà, dans la discussion sur le perspectivisme, je résiste à cette idée qu'on pourrait prendre le point de vue du virus sur l'humain. On peut effectivement prendre le point de vue du virus sur... le vivant. Non. J'ai une petite question. Une question un peu théorique. Si je comprends bien ce que tu disais sur la sentinelle, dans le collectif humain non humain dans lequel on peut l'identifier, elle va agir comme un signe. Mmh. Et du coup, je ne sais pas si tu as développé plus cette idée de signe, pour savoir, parce que là, j'ai l'impression qu'on a un niveau, un moment où l'ontologique bascule sur le sémiotique. Mmh. Et comment cette relation-là, tu l'as développée ou pas, et quelle vision du signe c'est? Est-ce que c'est simplement une vision persienne ou le sentinelle serait l'indice du pathogène, par exemple ou, Mais surtout, pour compléter ce que tu dis, tu as beaucoup parlé d'imagination ici. Il m'a semblé que c'était ça le terme que tu disais. Alors qu'ailleurs, tu dis d'habitude sémiotique, il me semble. Est-ce que, je crois, il me semble que c'est pour la même chose. Tu parles à moi, il me semble, d'habitude en termes de signes. Donc, du coup, c'est vrai que c'était... Alors, oui, ben c'est là que le travail d'Eduardo Cohn m'a été assez utile. Mais en même temps, parce qu'on a eu une discussion à Cerisy, justement, pour savoir si la sémiotique persienne, c'était la même chose que la sémiotique telle que je l'entendais dans cet usage des signes. Alors, effectivement, par rapport à l'imagination, la sémiotique, c'est une façon de formaliser la circulation des signes, de pas seulement en rester à l'imagination d'un futur, mais de vraiment voir ce qui circule et ses modalités d'existence. Et dans le travail d'Eduardo Cohn, là je commence à fatiguer un peu, donc j'arrive plus à retrouver exactement l'argument qui m'avait opposé. Parce que j'essaie de reprendre son idée que il y a un niveau de circulation des signes qui n'est pas celui de qui est pas le signe au sens saussurien, mais qui est celui de l'index, au sens où il y a des signes dans la nature. Hein, le cri du singe peut être un signe pour le chasseur ou plutôt parce qu'il imite l'arbre qui va tomber. Bon, je crois que je vais laisser tomber là. Je n'arrive pas à retrouver exactement, mais alors l'autre point quand même, parce que j'y réfléchissais en venant, parce que le point de départ de mon usage du signe, c'est la discussion qu'on avait avec Patrice Manillier sur l'ontologie des signes, et j'étais assez d'accord avec ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit sur les libellules que la linguistique n'apparaît pas comme un modèle purement formel qui renouvelle la totalité durkheimienne, disons, mais c'est effectivement un modèle ontologique qui rend compte du mode d'existence contradictoire des signes. Donc ce qui compte, c'est la circulation des signes et pas leur totalisation. Et donc de ce point de vue, c'est la valeur des signes qui est en jeu et pas... leur existence synchronique dans le tout de la langue. Bon, mais je vais continuer à réfléchir à cette question. Si tu as encore un petit peu d'énergie, vous avez une petite question. Vas-y, facile. Tu veux savoir si la pandémie va avoir lieu, par exemple. Et quand surtout. Avec quel produit? Je pense que c'est une question facile en plus. C'est sur l'expression que tu as employée. Effectivement, en préparant cette séance, on s'est posé la question du statut de cul-de-sac épidémiologique là, accordé à l'eau. En fait, on s'est posé la question de savoir, donc d'après ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est un peu une espèce de thèse standard. C'est chez ces biologistes qui utilisent la notion de franchissement de barrières d'espèces. Et du coup, cette thèse standard, déjà, est-ce qu'elle est méthodologique ou est-ce que vraiment, en termes réalistes, en termes positivement biologiques, c'est quelque chose est-ce que ça a le statut vraiment positif et biologique de l'homme, enfin les virus s'arrêtent à l'homme, quoi. Et si ce n'est pas le cas, si donc du coup c'est méthodologique, la question qu'on s'est posée aussi, c'est dans quelle mesure la notion de sentinelle, qui a les conséquences continuistes qu'on a vues, hein, qui est bien composée d'humain et de non-humain, est-ce qu'elle peut fonctionner de façon non anthropocentrique? C'est-à-dire, pour le dire un peu brutalement, c'est une question qu'on s'est posée, est-ce que dans le cadre d'une relation vraiment qu'on pourrait qualifier de brutalement instrumentale, est-ce que le non-humain pourrait utiliser l'humain comme sentinelle à son tour? Je ne sais pas, on peut imaginer des exemples marrants. Est-ce que, est-ce que des populations de chiens pourraient utiliser l'humain comme sentinelle, un composé d'humain et non humain comme sentinelle pour lui, quoi. Est-ce que ça, c'est des... voilà. Donc, quel est le statut, quel est le statut d'exception anthropologique posé par le, la notion de sentinelle et par cette notion de cul-de-sac épineux? En fait, je t'ai trompé, elle n'était pas si facile. Non, mais c'est très joli comme question. Et je ne me l'étais jamais posé directement, mais effectivement, sentinelle, c'est un concept non anthropocentrique, je crois. Puisque, justement, à l'intérieur d'un plan d'immanence, c'est un point de saillance, dans des rapports entre espèces, mais il n'est pas du tout question que ce soit orienté vers une finalité humaine. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, tu as raison, mais il y a une opposition en fait entre la notion de sentinelle et le statut de cul-de-sac épidémiologique, ça ne va pas. Oui. Ça va pas d'ailleurs, le cul-de-sac épidémiologique, ça ne marche pas parce que, par exemple, au moment du H1N1, la grande crainte des autorités canadiennes, c'est que le H1N1 repasse au porc, dans les élevages de porc. Par le truchement de l'homme. Oui, par le truchement de l'homme, oui. Ouais. Donc ça ne marche pas en fait. Oui. Ça pourrait se mélanger avec du H5N1 chez les porcs. Alors, ce qui est très joli, c'est de penser qu'effectivement, des non-humains, des animaux, quoi, pourraient utiliser les hommes comme nos sentinelles. C'est-à-dire, si les porcs s'étaient dit, oula, attention, on a un H1N1 qui arrive du Mexique vers le Canada, et en plus, on est exposé à du H5N1 qui vient par les oiseaux migrateurs de Chine. Alors, on ne peut pas avoir cette cartographie-là, c'est sûr. Mais... je pense que le point central, c'est que on n'utilise pas une espèce comme sentinelle. Une sentinelle apparaît dans un champ de mutation comme un point de passage particulièrement intense. Et même en fait, si on tient l'hypothèse qu'il y a il y a plusieurs niveaux d'existence de la sentinelle. Ça peut être des cellules, ça peut être des animaux, enfin des organismes, ou des territoires. Le territoire de Hong Kong n'est pas utilisé comme sentinelle, en fait. Il y a un moment où il se conçoit lui-même comme sentinelle, il s'offre lui-même comme sentinelle. Alors dire il s'offre lui-même en sacrifice, c'est pas non plus satisfaisant, mais c'est plutôt dans une cartographie... des circulations de virus, il apparaît comme une sentinelle. Ouais, la relation instrumentale, elle n'est pas bonne. Enfin, faut pas comprendre la sentinelle. Disons, ça ne fait pas partie du concept. Ouais, ouais, si on réfléchit à... Même historiquement, les oies du Capitole ou... Les oies du Capitole, c'est souvent pris comme le premier usage de la sentinelle. Les oies étaient sur le Capitole, on ne les avait pas mises sur le Capitole. Alors après, il y a le canari dans la mine, qui est l'exemple classique de la sentinelle, puisque pour le coup de grisou, on repérait que le gaz s'échappait au fait que les canaris mouraient avant les mineurs. Mais on pourrait dire que dans une histoire des sentinelles, le canari dans la mine, là c'est vraiment instrumental, hein. Le canari meurt, il se sacrifie, et puis les hommes peuvent sortir. Dans l'histoire des sentinelles, le canari dans la mine est juste une... c'est la version moderne, c'est la version instrumentale pour le coup. Mais si on est, par exemple, dans le modèle de Zahavi, qui est un modèle purement... biologique et non anthropologique des sentinelles, les espèces, il y a des animaux qui jouent le rôle de sentinelles pour d'autres dans une espèce de jeu de rivalité en fait, ostentatoire. C'est ça que tu utilises contre le truc du sacrifice. Oui. En disant qu'en fait, j'ai bien compris, les oiseaux se sacrifient plus ou moins, mais c'est aussi pour montrer aux femelles que c'est les plus forts. Donc du coup, il y a aussi un travail, pas que de sacrifice, mais aussi de... C'est une communication, voilà, ce qu'il dit, c'est que le comportement sentinelle des oiseaux, c'est une communication avec le prédateur pour dire « je suis plus fort que toi, je t'ai vu ». Est-ce que tu vas oser t'approcher? Une communication avec la femelle en disant regarde, je fais face au danger. Et une communication avec les autres oiseaux sentinelles en disant est-ce que vous êtes capable de crier aussi fort que moi? Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à remercier Frédéric et Karine et vous souhaiter une bonne part. Merci. Bah, merci à toi. Pas le temps de parler de ça, je vais parler aussi de... Oui, mais c'est là-dessus, c'est là-dedans que je parle de Zahavi. Ouais. Et puis je pensais aussi à ce qu'avait écrit sur les mots.